إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans les cours sur le livre النقد منهج شرعي. C'est un livre du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Il explique dans ce livre les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali de son livre Al-Farq bayna an-nasihati wat-ta'yir, la différence entre la nasiha et l'insulte. Et il explique aussi les paroles de l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad al-Salihin, le chapitre Ma yubah mina, ma yubah ou ma, ma yajuzu min al-ghiba ou ma yubah min al-ghiba. C'est donc à cette partie-là qu'on est arrivé. Donc le cheikh, on va lire qu'est-ce qui restait à lire, le paragraphe qui restait à lire du dernier chapitre, puis on va commencer tout de suite les paroles de l'imam al-Nawawi, inshallah, puis avec l'explication du cheikh Rabi'a, hafizahullah. Donc le cheikh dit « Wa hum yakhafuna ashadda al-khawf min al-wuku'i fil-khata » إذا انبرى لهم من يبين أخطاءهم فرحوا بهذا وشجعوه. القرآن كان يأتي بما يوافق عمر رضي الله عنه، فهل يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يندم؟ هل يتألم؟ هل يقول عمر هذا أيده الله وتركني؟ أستغفر الله العظيم. كان أبو بكر كذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أخطأ منهم يبين له خطأه يفرح بهذا، وكذلك أئمة الهدى كما قلنا هذا غير مرة. فهذا كان تعليقا على الدرس الذي سبق من هذا الكتاب، ونريد الليلة أن نقرأ أشياء من كلام العلماء تبين أن النقد والجرح إذا كان الهدف منه هدفا إسلاميا صحيحا فإن هذا أمر مطلوب وقد يكون واجبا، لأنه يحمل في ثناياه نفع الأمة والنصح لهم وتثبيتهم على الحق والخير وتجنيبهم من الشر والضلال والهوى. فها هنا من باب هذا الكتاب رياض الصالحين قد نقرأ منه بعض الأبواب إن شاء الله، وأنا أنصحهم بقراءة هذا الكتاب فإنه مفيد إن شاء الله. Donc il terminait le cheikh d'expliquer au sujet des ulama d'Ahl al-Sunnah. Il disait que il craignait de tomber dans une, il craignait de faire une erreur. Donc les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils sont toujours sincères quand ils veulent étudier une question et essayer d'analyser un problème. Ils essaient toujours d'arriver à la vérité dans ce problème-là. Leur but, leur intention, c'est toujours d'atteindre la vérité, d'atteindre le haqq avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et ils ont peur de se tromper dans la religion d'Allah, de dire quelque chose de faux qui pourrait les induire en erreur eux et induire les autres en erreur. Donc ils font beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre la vérité et à dire la vérité. Hein, ils cherchent pas à plaire aux gens, hein, ni aux dirigeants, ni au peuple ou à la population. Hein. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent « Ah, ça c'est soi-disant ça », ils les attaquent les ulama en disant « C'est des ulama qui veulent plaire aux dirigeants ». Et eux, de leur côté, ils essaient de plaire à la population en leur disant des fatwas qu'ils aiment entendre. La musique c'est halal, tout est halal, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ils critiquent ceux qui, soi-disant, se mettent du côté des dirigeants et ils blâment ceux qui, soi-disant, se mettent du côté des dirigeants alors que eux, ils essaient de permettre aux gens de suivre leur passion pour que les gens les aiment. Donc, les ulama qui aiment al-haq et qui défendent al-haq, et les ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils n'essaient ni de plaire à un, ni à l'autre. Ils n'essaient pas de plaire ni aux hukam, ni aux, de plaire au peuple ou à la population. Ils essaient de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est ça le but. Et ils essaient toujours de faire passer qu'est-ce qui est, yani, d'éloigner le mal, et que ça, ça a une précédence avant de faire venir le bien. Comme on dit, دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَنَا جَلْبُ الْمَصَالِحِ. Déloyer un mal, c'est toujours, ça a toujours précédence sur le fait de vouloir amener un bienfait. D'accord? Donc si tu peux éviter le mal, c'est plus important ça que d'amener un petit bienfait qui pourrait être négligeable par rapport au danger qui vient d'un mal. Et donc, c'est pour ça. Donc, alhamdulillah, ils regardent la sunna et ils essaient d'atteindre la vérité. Mais s'ils tombent dans l'erreur et que quelqu'un vient leur montrer leur erreur, ils se réjouissent de ça, ils sont contents de ça. Ils disent « Alhamdulillah que tu m'as montré mon erreur, comme ça je peux me repenter puis expliquer aux gens la vérité maintenant. » Et au contraire, même ils encouragent ceux qui viennent pour leur montrer leurs erreurs et ils se réjouissent de ça. Le cheikh il dit « Parfois le Coran, il y avait des versets qui étaient révélés par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui supportaient et qui venaient en accord avec la position de Omar ibn al-Khattab sur plusieurs questions. C'est des versets qui descendaient pour supporter la position de Omar ibn al-Khattab, comme la question lors de la bataille de, oui, à propos des prisonniers dans la guerre de Badr, qu'est-ce qu'il fallait faire avec eux. Allah a fait descendre des versets qui étaient en accord avec la position de Omar ibn al-Khattab. La question du hijab, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait dit, tu devrais pas laisser les hommes rentrer chez toi, etc. Parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui sont bons, il y en a d'autres qui sont mauvais, etc., etc. Et, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des versets pour ordonner le hijab. Donc il y a beaucoup de cas comme ça dans lesquels la révélation est venue en accord avec ce que Omar ibn al-Khattab avait dit. Et donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché à cause de ça? Est-ce qu'il a dit « Allah supporte Omar et il m'abandonne » Hein? « A'udhu billah » Le cheikh dit « Astaghfirullah al-Azim » Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui parce que c'est al-haq. Hein? La même chose que Abu Bakr radiallahu anhu et la même chose que les autres sahaba, si un d'entre eux faisait une erreur et qu'on venait lui montrer son erreur, il se réjouissait de ça et ils étaient contents. Et la même chose pour les imams de l'islam. Et donc ça c'est pour le cours qu'on a, le cheikh il dit ça c'est pour le cours de la nuit passée et maintenant il dit donc c'est pour expliquer que lorsque les ulama font une critique ou montre les erreurs de quelqu'un dans le but de donner une nasiha à la Ummah et de prévenir la Ummah des erreurs, dans ce cas-là c'est quelque chose de bien, c'est une nasiha et même c'est obligatoire parfois. Et donc parce que ça, ça aide la Ummah à rester sur la vérité et ça les amène au bien et ça les écarte du mal et de l'égarement et des passions. Et donc là maintenant on va lire des paroles de l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad al-Salihin. Il a un chapitre, il a fait un chapitre qui s'appelle Al-Riba. Qu'est-ce qui a été rapporté à propos de Al-Riba pour interdire Tahrim Al-Riba, l'interdiction de Al-Riba. Maintenant, juste après ce chapitre-là, il a mis un autre chapitre qui dit Ma yubah min Al-Riba. Qu'est-ce qui est permis de Al-Riba. Al-Riba, c'est quoi? C'est quand tu parles en l'absence de quelqu'un et que tu mentionnes ses défauts, ou que tu mentionnes des choses qu'il n'aime pas que les gens sachent de lui. D'accord? Ça c'est haram dans l'islam. Mais comme on avait expliqué, il y a des cas dans lesquels c'est permis. Et l'imam al-Nawawi a mentionné 6 parmi les cas dans lesquels c'est permis de faire une chose pareille. et les conditions pour que ce soit permis. Et donc, on va lire ces paroles-là, inshallah. Le Cheikh, il dit, قال رحمه الله, اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب. فهو سماها غيبة, يقول تباح, ولكن في الحقيقة هي ليست غيبة. هذه نصيحة, ولكن لما كان بعض الناس يرى أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليها على فرض أنها غيبة, فإنها مباحة بل واجبة كما يقول رحمه الله. Donc le Cheikh il dit, Cheikh l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit, sache que de parler dans le dos ou de mentionner des choses dans l'absence d'une personne, des choses qu'il n'aime pas dans son absence, c'est permis si c'est fait dans une intention qui est correcte et légale, et que ce n'est pas possible d'arriver à ce but-là, excepté en faisant cette chose, c'est-à-dire en parlant des défauts de cette personne. Et c'est dans 6 cas, ou dans 6, pour 6 raisons qu'on a le droit. Le chef il dit qu'il l'a appelé riba, et il a dit que c'est permis. Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Alors qu'en réalité, ça ne s'appelle pas riba, ça s'appelle nasiha, ok? Mais étant donné que certaines personnes considèrent que c'est une riba, alors lui, il a dit, ok, on va l'appeler riba, sauf que c'est des cas de, ou des exemples de riba dans lesquels il est permis de le faire, et même parfois obligatoire de le faire. Donc là, le cheikh, il commence, il dit, al-awwal, at-tawallum, fayajouzu lil-mazloum, an yatawallam ila al-sultan wal-qadi, wa ghayrihima, mimman lahu wilaya, aw qudra, ala insafihi, من ظالمه سيقول ظلمني فلان بكذا. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا من الأدلة على أن من ظلم له أن يجهر بالسوء, يقول فلان ظلمني, يرفعه للمحكمة ويدعي عليه ويقيم عليه الشهود إلى آخره. donc le cheikh il dit que dans le cas où quelqu'un t'a fait une injustice, c'est permis pour toi d'aller voir un juge ou d'aller voir un dirigeant ou quelqu'un qui a une autorité et de dire à cette personne que quelqu'un t'a fait une injustice. Tu dis un tel ou un tel m'a fait une injustice et tu l'amènes en cour. N'importe qui aujourd'hui qui s'est fait faire une injustice de la part de quelqu'un, s'il veut avoir son droit et reprendre ce qui lui a été enlevé, eh ben, il faut absolument qu'il, disons, fasse une plainte contre cette personne-là, et qu'il explique au juge qu'est-ce que cet individu-là lui a fait, hein. Et donc, ça, c'est pas interdit dans l'islam, parce que c'est des cas où Allah subhanahu wa ta'ala a permis de faire des choses pareilles, comme par exemple dans le verset 148, dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il n'aime pas les paroles qu'on dit, les mauvaises paroles qu'on dit à haute voix, excepté pour la personne qui a été opprimée ou à qui on a fait une injustice. D'accord? Donc ça c'est des preuves qui montrent que c'est permis de dire les mauvaises choses que quelqu'un nous a fait, dans le cas où quelqu'un nous a fait une injustice, et de ramener ce cas-là au juge dans un tribunal pour avoir notre droit et avoir la justice, et d'établir même des témoins qui vont mentionner ce que la personne a fait comme preuve de qu'est-ce qu'on dit. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاجذره عنه ونحو ذلك, ويكون مقصوده التوصل لإزالة المنكر, فإن لم يقصد ذلك كان حراما. Le Cheikh il dit que de demander l'aide de quelqu'un pour changer un munkar, changer quelque chose qui est haram, qui est mal. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de haram, et que toi tu sais que tu n'es pas capable de changer ce munkar, ou que si toi tu veux le changer par toi-même, tu risques de faire plus de mal que de bien, dans ce cas-là, c'est permis d'aller voir quelqu'un qui a la capacité et l'autorité de changer ce mal et de lui dire un tel et un tel est en train de faire telle chose à tel endroit, va lui dire ou va l'interdire ce qu'il fait. Et donc, si ton but et ton intention c'est d'arriver à éloigner ou à enlever ce munkar ou à le diminuer, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de haram de parler dans le dos de cette personne pour indiquer à la personne d'aller et d'interdire ce munkar. D'accord? Le cheikh dit « Hey, إذا نصح بقصد التشفي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه يعتبر منكرا فإذا سقط إنسان في منكر وزجرته فلم ينزجر فلك أن تستعين بالسلطة بالأمير أو بالقاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المعاصي التي يرتكبها كأن يكون يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو ينشر بدعة أو يؤذي الناس أو يقطع الطريق تشكوه بارك الله فيك وترفع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه ويكون قصدك وجه الله والتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته. Donc c'est ça, le chef il dit, si ton but c'est de faire tomber cette personne, puis de lui faire quelque chose de mal, ou de nuire à sa réputation, ou des choses comme ça, ça c'est quelque chose de mal dans ce cas-là. Toutefois, si ton but c'est pas de faire tomber cette personne, mais plutôt c'est d'arriver à le faire cesser le mal qu'il fait, et tu veux chercher de l'aide auprès de l'autorité, que ce soit la police, ou bien une personne qui a une autorité légale, qui est capable de faire cesser cette personne-là de faire ce qu'il fait qui est haram, et qui a une autorité, qui a une capacité de changer ce mal ou ce péché qu'il est en train de faire, comme par exemple quelqu'un qui boit de l'alcool, ou qui fait le zina, ou qui vole, hein, ou qui transmet, ou qui répand une bid'a, ou qui fait du mal ou du tort aux gens, ou qui est en effet d'autres choses de mal de ce genre. Donc dans ce cas-là, tu peux aller demander à quelqu'un qui a une autorité d'aller arrêter cette personne-là en lui disant « un tel est en train de faire telle chose, ça c'est quelque chose de mal et va l'interdire ou va l'arrêter. Hein? » Ça c'est pas un riba, d'accord. Et c'est comme par exemple, ça m'est déjà arrivé une fois, par exemple, si tu vois quelqu'un qui fume dans le métro, à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est haram dans l'islam, et non seulement c'est haram, mais c'est interdit aussi, même pour les koufars, c'est pas permis pour eux que quelqu'un fume dans le métro, par exemple. Alors là, si tu dis à la personne, cesse de fumer, parce que ça c'est pas bon, eh ben, la personne, si elle arrête, c'est tant mieux. Mais si elle continue, là, tu peux aller dire, par exemple, à un gardien de sécurité, un agent, tu lui dis, voici cette personne, là, elle est en train de fumer, puis elle est en train de faire du mal aux autres avec la fumée, des choses comme ça. Donc là, il va lui dire, cesse de fumer. Tu vois, ça c'est un exemple. Parce que tu veux pas aller toi-même aller le frapper, puis lui dire, arrête de fumer, puis il a commencé à faire de la fitna, peut-être que tu vas faire plus de mal que de bien. Donc ça c'est utiliser le hikmah et savoir comment traiter les situations et les différentes conditions. Donc ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres situations comme ça, selon la place, selon le lieu, selon la situation, il y a toujours un moyen d'empêcher ou d'arrêter un mal. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres, il dit, celui d'entre vous qui voit un munkar alors qu'il le change par sa main, un munkar c'est tout ce qui est haram, tout ce qui est mauvais, hein, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le minimum de la foi, le plus faible niveau de la foi. Ok, donc changer par la main, les ulama ont expliqué que ça c'est bien entendu pour celui qui détient l'autorité, ou pour quelqu'un qui a une autorité. Si par exemple un père de famille il est dans sa maison, il a l'autorité dans sa maison de changer le munkar. C'est un chef d'État ou un dirigeant ou un policier, il a l'autorité de changer un munkar avec sa main. Si tu ne tu fais pas partie de ces gens-là, tu peux changer le munkar par ta langue, hein, ou bien par la main aussi. C'est les ulama qui écrivent des fois des livres pour expliquer quand ils réfutent les mubtadi'a ou qui réfutent les choses haram avec leurs plumes. Aussi, avec la langue, c'est quand tu parles, ou quand les ulama aussi ils expliquent la vérité au sujet des questions et qu'ils réfutent les faussetés. Aussi, quand tu dis à quelqu'un, ça c'est haram, etc. Donc ça c'est un exemple. Et si tu peux pas, eh ben là tu changes avec ton cœur. Et changer avec le cœur, ça veut dire que tu détestes cette chose. Hein, que tu sais que cette chose est munkar et que tu la détestes, et que si tu avais la capacité, tu l'aurais changé. Ça, ça fait partie du minimum de la foi. Ça c'est obligatoire à tous les musulmans, de changer le mal avec son cœur, parce que personne ne peut dire qu'il est incapable de changer le mal par son cœur. Donc, de changer le mal, c'est obligatoire pour tout, c'est toujours obligatoire pour tous les musulmans. Sauf que le degré, comment tu vas le changer, ça diffère d'une personne à l'autre selon la situation, puis selon la personne. Mais le minimum, c'est le cœur. Si tu peux aller changer avec la langue, tu n'as pas le droit de faire juste avec le cœur. Il faut faire avec la langue aussi. Et si tu es capable de changer avec la main et la langue, eh bien, tu ne peux pas dire « Ah, je vais juste changer avec le cœur et juste avec la langue ». Si tu peux changer avec ta main, change-la avec ta main, si tu as l'autorité. Hein, c'est comme il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai changé avec mon cœur ». Non, c'est pas suffisant. Si tu as la capacité de le faire avec la langue et avec la main, fais-la avec la main et avec le cœur. Fais-la avec la langue et avec le cœur, mais dis pas, si tu es capable, dis pas « Je fais juste avec mon cœur » comme certains qui pensent qu'ils se limitent juste avec le cœur. Donc le cheikh dit فَهُوَ يُحَاوِلْ إِزَالَةْ هَذَا الْمُنْكَرِ إِمَّا بِنَفْسِهِ إِنْ إِسْتَطَعَ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ وَمِنْهَا هَذِهِ السُّورَةِ الَّتِي يَعْجَزُ فِيهَا عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ فَيَلْجَأُ إِلَى مَنْ لَهُ السُّلْطَانِ وَقُدْرَةِ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا لَهُ قَدْ يَجِبْ هَذَا لِأَنَّ وَاجِبًا عَلَيْنَا أَنْ نُغَيْرَ الْمُنْكَرَ. Donc le cheikh il dit, donc tu essaies par toi-même de changer le munkar, si tu peux, sinon tu demandes à quelqu'un de le faire. Et dans le cas qu'on a mentionné, ça c'est l'exemple où tu es incapable de le faire, donc tu vas voir quelqu'un qui a l'autorité et la capacité de changer ce munkar. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de faire ça, d'aller voir cette personne et de lui demander de changer ce munkar. الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره من حديث هند إن شاء الله. Le cheikh il dit, lorsque quelqu'un veut demander une fatwa à un savant ou à un mufti, c'est permis pour lui de dire, par exemple, mon père ou mon frère ou mon mari, pour la femme, m'a fait telle ou telle chose, il m'a fait une injustice. Donc, est-ce qu'il a le droit de faire telle chose et comment je peux me sortir de cette situation-là, et comment je pourrais avoir mon droit et repousser cette injustice. Le cheikh il dit ça c'est permis pour selon le besoin. Il dit mais qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est préférable à faire, c'est de poser la question au cheikh ou au mufti disons d'une façon impersonnelle, dans le sens que tu vas pas mentionner que c'est toi qui es concerné ou la personne qui est concernée, mais tu vas dire d'une façon impersonnelle, indirecte, dans le sens que qu'est-ce que tu dis à propos d'une personne qui fait telle chose à son fils ou à sa femme ou etc. Comme ça, le cheikh il va répondre d'une réponse générale par rapport à ce cas-là, sans nécessairement savoir de qui il est question dans la fatwa. Toutefois, si tu indiques au cheikh ou au mufti qui est concerné, c'est pas interdit. Et des fois, il y a des cas comme ça où certains maris détestent que leur femme demande à un alim ou à un cheikh ou à un mufti des questions en ce qui concerne leur relation de couple dans le mariage. Parce que des fois, certains maris, ils font de l'injustice à leur femme. Et ils veulent pas que leur image soit, ternie devant le cheikh ou devant l'imam. Et donc, ils craignent qu'à cause de ça, c'est comme une forme de dénigrement. Ils ont peur de qu'est-ce que le cheikh va penser d'eux par la suite. Mais, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là, la femme? Si elle est la personne vers qui se tourner pour demander les questions et pour clarifier les choses, si on lui fait des injustices, est-ce qu'elle reste comme ça et à attendre à la maison et que la situation ne s'arrange pas et que les choses continuent à empirer? Ou bien elle se tourne vers quelqu'un en qui elle va avoir confiance pour avoir une réponse au sujet des choses qui ont rapport avec la foi et l'islam? Des fois, il y a une possibilité pour la femme de poser la question, et il y a dans certains cas, pour régler le problème, il faut que l'homme vienne à la mosquée avec sa femme pour discuter, pour essayer de régler le problème. Et tu vois que la femme dit, j'ai demandé à mon mari de venir à la mosquée pour vous rencontrer, il refuse. Donc, on a toujours des problèmes de ce genre-là. Mais c'est arrivé des choses comme ça, même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous prouve, wa alaykum salam wa rahmatullah, et ça nous prouve que dans certaines situations et dans certains cas, c'est permis de désigner et de dire de qui il s'agit quand c'est une question de droit ou d'injustice. Comme par exemple, le cheikh il dit, هذا دليله وهذا دليله أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية رجل مسيك لا يعطيني ولا وأولادي ما يكفينا فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأخذ العلماء من هذا جواز التظلم عند ولي الأمر أو عند من له القدرة على إزالة الظلم لشيخ زي والشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها ما قال هذه غيبة أبو سفيان رجل عظيم رجل أسلم رجل كبير من أعيان قريش فلم يقل لماذا تقولين فيه هذا الكلام لماذا ترمينه بالشح لماذا تقولين إنه مسيك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بل أقرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها فأخذ علماء الإسلام الحق من هذا حجة على من على أن للمستفتي والمستفتي هو متظلم في نفس الوقت وهو متظلم في نفس الوقت أن يقول ما رأيك أيها المفتي أيها القاضي أيها الأمير في رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم حقوقهم من الرداء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم فهل نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي وأولاده وعياله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالحاكم الشرعي لا يقول هذه غيبة بل يقول نعم يجوز أن يؤخذ وله أن يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم. Donc le cheikh il dit donc, ça c'est la preuve que c'est permis de faire ça, c'est que Hind, la fille de Utba, radiallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit « Oh messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui est pingre, comment on dit, shahih, il est avare, oui c'est ça, il est avare, il ne me donne pas à moi ainsi qu'à mon enfant ou à mes enfants ce qui nous suffit hein, pour comme nourriture et vêtements. Alors elle a dit, est-ce que je peux prendre de ses biens ou de son bien ce qui me suffit moi ainsi qu'à mes enfants? Elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, prends ce qui te suffit à toi et à tes enfants. D'une bonne façon, yani, bil ma'ruf, hein, selon le bien, yani. C'est-à-dire, va pas prendre trop non plus, plus que qu'est-ce qu'il te faut, prends qu'est-ce qu'il te faut dans le bil ma'ruf, ok. Et le cheikh il dit, ça c'est, les ulama ont pris de ça, que c'est permis d'aller parler aux dirigeants, ou à celui qui est capable d'enlever l'injustice, de lui mentionner l'injustice de celui qui l'a fait et de demander son droit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de qu'est-ce que cette femme a dit, Hind, hein, il a approuvé de ce qu'elle a dit. Il n'a pas dit ça c'est le rayba, pourquoi tu parles contre Abu Sufyan? Abu Sufyan radiallahu anhu c'est un grand homme, il s'est converti, il est un parmi les plus importants hommes de Quraysh, hein, Pourquoi tu dis une telle parole à son sujet? Pourquoi tu dis qu'il est avare, hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, il a approuvé qu'est-ce qu'elle a dit. Et il lui a dit qu'elle avait le droit de prendre de ses biens ce qui allait lui suffire à elle et à son enfant. Et les ulama de l'islam ont pris de ce hadith qu'il est permis, hein, pour une femme, ou pour un homme, yani, d'aller se plaindre et d'aller expliquer l'injustice qui lui est faite au juge, ou au mufti, ou au dirigeant, hein, que un homme il fait telle chose à sa femme, qu'est-ce que il donne pas son droit à ses enfants, il leur donne pas de l'argent qui yani, pour acheter de la nourriture pour eux ou leurs vêtements ou pour leur donner leurs droits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas pareils? Est-ce qu'on peut prendre de leurs biens sans leur accord, sans leur agrément? Et donc, le juge dans un pays musulman qui juge selon la charia, il ne va pas dire que ça c'est al-riba, que c'est parlé dans son dos. En fait, non, il va dire oui, tu peux prendre, c'est permis pour toi de prendre ce qui te satisfait, c'est permis pour toi de prendre ce qui te suffit, et parfois même, il pourrait même ordonner ou demander que cet homme-là vienne se présenter au tribunal ou à la cour, hein, pour expliquer, pour lui imposer qu'est-ce qui lui est obligatoire, hein, et pour qu'il établisse son devoir envers sa famille, sa femme et ses enfants, et pour qu'il leur donne le droit qui leur doit, hein, le droit qui leur revient à sa femme et à ses enfants et à ceux qui sont sous son autorité. Ça c'est le troisième. Le quatrième, الرابع, تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. هذا يجوز فنحذر المسلمين من الفاتق والمبتدع. وكذلك إذا كان إنسان يشهد زورا أو شهادته باطلة بأي وجه من الوجوه تقدح في شهادته ونبين وجه القدح فإن هذا فيه نصح للمسلمين وفيه تجنيب الشر عنهم فيقول منها جرح المجروحين والرواة جرح المجروحين من الرواة والشهود. فإذا كان في الراوي جرحا وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس إما أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيفا أو مختلطا أو يكون الراوي مجهولا لا نعرفه والناس ينقلون عنه أو أي جرح فيه فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي إما في عدالته أو في ضبطه سواء تعلق الجرح بعدالته أو تعلق الجرح بضبطه كائنا من كان هذا الراوي إذا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد بل يجب علينا أن نبين ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدالته وقدح في عدالته. Le cheikh dit que le quatrième cas, c'est d'avertir les musulmans contre le mal et de leur donner un nasiha. Il dit que ça c'est permis. Et donc on avertit les musulmans contre un fasiq ou un mubtadi'. Et la même chose pour un individu qui ment dans son témoignage hein, et qui donne un faux témoignage. D'une façon, de n'importe quelle façon ou de n'importe quel point de vue qu'il peut, disons, être... en train d'induire les gens dans l'erreur, et donc ça nuit à son témoignage, donc il faut clarifier la raison de, disons, la raison ou la chose qui fait en sorte que son témoignage est faux et qu'il n'est pas valable ou qu'il n'est pas accepté. Et donc en faisant ça, il y a un nasiha pour les musulmans, et ça les éloigne du mal. Et donc... comme par exemple, tu sais qu'une personne est menteur, c'est un menteur, ou qu'il donne des faux témoignages, et qu'il va aller témoigner en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un, eh ben, c'est ton devoir d'informer les personnes concernées, que ce témoin-là, il n'est pas un témoin, honnête, et qu'il ment, et qu'il donne pas un bon témoignage. Comme ça, parce que si tu le sais, et que tu dis rien, et tu dis, ah, ça c'est pas de mes affaires, ou « Ah ça, je ne veux pas me mêler de ça », ben là c'est comme si tu caches la vérité et tu agis, disons, comme un traître envers les musulmans, parce que tu leur caches une information qui est importante pour eux et qui peut les éloigner d'un mal et leur amener du bien. Donc tu n'as pas établi al-nasiha, tu n'as pas été sincère envers les musulmans. Et parmi les choses qui rentrent là-dedans, c'est le fait de, disons, critiquer les narrateurs de hadith et les témoins, comme on a dit. Donc, il dit, si tu sais que, parce que dans l'islam, hein, ici, comme par exemple, même ici dans la société, il y a des pays de Kofr et tout, les témoins, ils sont analysés. On choisit pas, on n'accepte pas n'importe qui comme témoin. Si on sait d'un tel ou d'une telle personne qu'il n'est pas un bon témoin, ils vont pas l'accepter comme témoin ou comme un juré dans la cour. Mais dans l'islam, il y a des règles aussi, et c'est des règles encore plus strictes, plus précises, plus détaillées que les règles des koufars, parce que eux, ils ne prennent même pas en considération les questions religieuses et autres. Tandis que dans l'islam, on prend en considération les questions religieuses, hein, pour établir que quelqu'un peut être un témoin ou non. Donc ça, c'est un exemple. Et dans les livres de fiqh, il y a un livre toujours dans les livres de fiqh, un chapitre qui traite du témoignage et des témoins et des conditions que les témoins doivent respecter pour être des témoins acceptables dans l'islam. Tout ça c'est bien expliqué. Mais bon, il y en a des fois qui, disons, sont pas au courant des détails des règles de l'islam et donc ils savent pas ces choses-là, que l'islam est très très précis et très disons, détaillé à ce sujet-là. D'accord? Le cheikh, il dit ensuite, si le narrateur de hadith, celui qui rapporte les hadiths ou qui parlait de la religion d'Allah, il dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et il commence à dire des choses aux gens, parler aux gens des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est un menteur, ou quelqu'un qui est, wa alaykum salam, ou quelqu'un qui est accusé de mensonge, ou qui est faible dans sa mémoire, ou qui mélange les choses, hein, ou bien qu'il est inconnu, les gens on le connaît pas, il n'est pas connu, et les gens transmettent sa parole. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est important pour quelqu'un de clarifier ce qu'il sait au sujet de ce narrateur-là, et de clarifier qu'est-ce qui a rapport avec son honnêteté et avec sa mémoire ou d'autres choses de ce genre. Tout ce qui a rapport avec l'honnêteté et le fait que cette personne-là est considérée comme une personne adil, adil, comme on dit, un témoin pour qu'il soit un témoin acceptable ou un narrateur acceptable. Donc, et ça c'est obligatoire même de faire ça pour clarifier et pour expliquer aux gens la réalité au sujet de ces gens-là. Et la même chose pour les témoins, comme on a expliqué déjà. Ok. Après, le cheikh il dit que ça c'est permis et que c'est obligatoire et qu'il y a une ijma là-dessus. Il y a une ijma que c'est permis et même obligatoire. يقول النووي رحمه الله بل واجب للحاجة ويقول يجوز للحاجة يجوز وللحاجة يجب كائنا من كان هذا الراوي أو هذا الشاهد أما ذكر الحسنات والمساوي عند كل مناسبة فهذا شيء لم نسمعه إلا في أيامنا هذه وهو مذهب إن تحل واستنع لحماية البدع وأهلها هذا الهدف منه لم يعرفه السلف وبهذه المناسبة الشيخ الذي وبهذه المناسبة أقول لكم إن الإنسان إذا كان يؤلف في السير في سير الناس فيذكر كل ما هب ودب من سيرهم من خير وشر لأنهم يروون تاريخا وسيرة ولكن إذا كان فقط نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته أو من ضلاله أو من شره أو من فسقه فلا يلزمك إلا أن تبين موضع النقد ويكفي إذا كان إنسان يريد أن يذكر تاريخ شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أو شخصية من الشخصيات فيذكر كل ما ورد عنه وكل ما يتصل بحياته من خير وشر مسلم يهودي نصراني حتى الشيطان لما عرفوا به الله المستعان الشيطان حتى الشيطان لما عرفوا به قال بعضهم كان من الملائكة كان مع الملائكة ثم مسخه الله أو كان من الملائكة ثم مسخه الله تبارك وتعالى فصار شيطانا يقولون هكذا فإذا كنت تؤرخ حدث عن الناس ولا حرج يذكرون للناس حسنات وسيئات أن تحدث عن المسلمين والكفار حتى فرعون إذا ترجمت له وجدت في الترجمة خيرا وشرا فيذكرون في ترجمته أنا أقرأ وأنا صغير أن قارون أو أحد ولاته خرج يتجول في أنحاء مصر يجمع منهم العشور والضرائب وكذا وكذا فأتى بأموال لا أول لها ولا آخر فقال له فرعون من أين أتيت بهذه الأموال قال جمعتها من الضرائب وكذا قال ما ينبغي لرب أن يأخذ من عبيده ارجعها إلى أهلها فنذكر هذه من حسناته فإذا كنت مؤرخا اذكر كل ما هب ودب من خير وشر ولكن إذا كنت ناقدا موجها للناس محذرا للناس من شر هذا الكتاب ومن شر هذا الرجل ومن شر هذه الجماعة ومن بدعهم من ضلالهم اذكر ما يستلزم النقد والجرح والتعذير ويكفي لا يلزم ذكر المحاسن أبدا donc on va expliquer ce passage là le chef il dit en ce qui concerne le fait de mentionner les biens et le mal dans toutes les circonstances, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu, excepté dans ces jours-ci. Et c'est une voie qui a été inventée, hein, qui a été ramenée pour protéger les bid'ah et les gens de bid'ah. Et c'est ça le but derrière cette innovation-là. Et les salafs ne connaissaient pas ce madhab-là. Le cheikh il dit, ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils disent que, par exemple, si tu parles d'une personne, un individu, ou d'un groupe, ou d'un livre, il faut absolument, pour eux, ils disent que c'est obligatoire d'être juste, de mentionner le bien et le mal qui est dedans. Hein? Et donc, eux, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils veulent protéger les gens de Bid'a. Ils veulent les défendre, les gens de Bid'a. Hein? Parce qu'ils disent, mais non, il y a sûrement du bien dedans. Il y en a un qui disait ça. T'as écouté toute la cassette. Parce que des fois, on mentionne, on a écouté, c'est vrai, on a mentionné, on a dit aux gens, fais attention, écoute pas cette cassette-là, celui-là, ce cheikh-là, il a des erreurs, il a tel bid'a. Il dit, t'as écouté toute la cassette, t'as rien entendu de bien, juste ce point-là qui était mauvais, hein? C'est sûr qu'il a dit quelque chose de bien. Hein? Il y a quelqu'un, j'écoutais dernièrement quelqu'un qui parlait de ça. Parce que, en Angleterre, ils sont entrés dans des mosquées et ils ont filmé des imams, ok, qui faisaient des discours sur l'islam. Mais ils disaient des choses graves, Yannick. Ils ont dit des commentaires, des choses qui sont vraiment dépassées, qui dépassent la limite de la charia, hein, à propos de certaines choses. Donc les journalistes en ont profité, les ont pris, les ont mis dans les reportages. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour les défendre et qui a dit, c'est sûr que durant toutes les conférences qu'ils ont entendues, ils ont entendu du bien. Alors, ils vont oublier tout le bien, ils vont juste prendre ce mal-là. Hein? Ça, c'est une chose qu'ils disent. C'est vrai qu'ils ont peut-être entendu beaucoup de bien, mais le danger n'est pas dans le bien qu'il a dit. Le bien, il n'y a personne qui le nie de ce que ces gens-là font. Personne ne remet en question le fait qu'ils disent du bien. Mais ce mal qui est dedans, c'est dangereux. Et il faut avertir les gens contre ce mal. Et il faut que ces gens-là qui ont dit ce mal se corrigent, reviennent sur leurs erreurs et disent oui, on a fait telle ou telle erreur. D'accord ? C'est pas parce qu'on remet en question qu'ils ont du bien. Oui, ils ont du bien. Et c'est vrai que dans la cassette, peut-être 90% de la cassette, c'est du bien. Mais le mal, le petit 10% qui est dedans, qui est mauvais, il faut avertir les gens contre ce 10%-là, parce que ce petit 10%-là peut être plus dangereux que tout le 90% de bien qui est dedans. D'accord? Donc ça, c'est un point important de bien comprendre. Et le cheikh, il dit que ce manhaj, ça, c'est répandu maintenant parmi les groupes de Hizbiya, hein. Et c'est drôle que ceux qui prétendent vouloir appeler les gens à appliquer ce manhaj, eux-mêmes ils ne le respectent pas. Ils vont trouver dans un alim qui est sur le Coran et sur la Sunna, ou bien dans un pays, ou bien dans un groupe ou des gens qui suivent le Coran et la Sunna, une petite faute, ils oublient tout le bien qu'il a fait. Même si cette erreur-là, ce n'est même pas une erreur dans les fondements de l'islam, ni dans les fondements de la Sunna. Mais parce qu'il avait cet ijtihad, ou qu'il s'est trompé dans ce point-là, ou qu'il a une position ou une opinion contraire à leur opinion, il le néglige, il le calcule même pas, et c'est comme s'il n'a rien fait de bon, il n'a rien dit de bon, il ne compte pas cette personne-là. Tandis que ces gens-là, ils peuvent faire des graves erreurs et ils ne voient pas leurs erreurs parce qu'ils voient juste le bien soi-disant. Hein? Et même pour les koufars, c'est pire encore. Hein? Les koufars aujourd'hui, quelqu'un peut être le pire criminel au monde. Al Capone, je sais pas moi, un grand Elvin Jovian, quelqu'un qui est un motard, qui tue des gens, qui vend de la drogue, qui fait tous les crimes. Ah, mais il a du bien. Il est très gentil. Hein? Ils vont voir le bien. Et parce qu'il a un peu de bien en lui, tout le mal qu'il fait, il l'oublie. Il voit juste le bien qu'il y a en lui. Donc c'est l'extrême, le contraire. Hein? Mais en général, on peut dire que moi je le sais parce que j'en ai vu, wa alaykoum salam, j'ai vu les koufars, comment ils parlent, comment ils vivent, comment ils agissent. Ils ne voient jamais le mal qu'il y a en une personne, peu importe qu'est-ce qu'il fait de mal dans sa vie. Au contraire, ils vont plus détester quelqu'un qui veut faire le bien et qui fait des efforts pour faire le bien et qui se trompe un peu, que quelqu'un qui fait ouvertement, sans aucune gêne, le mal, et qui fait du bien de temps en temps. Il voit juste le bien qu'il fait. Donc ça, c'est des exemples. Puis aussi, il y a la question du tawhid aussi, qu'ils ne vont pas voir la question, le rapport par rapport à l'aqida. Okay. Si quelqu'un est, comme j'écoutais, je pense que je vous ai mentionné ça l'autre fois, J'écoutais quelqu'un qui parlait, un de ces gars-là de Ikhwan, qui parlait à propos des pays musulmans. Il a parlé de l'Arabie Saoudite, il a dit les pires choses sur l'Arabie Saoudite. Puis quand il a parlé de l'Iran, il a parlé comme si c'est le meilleur pays au monde. Et quand il parle de la France, et il dit, la France, il ne faut pas juste dire le mal, il faut être juste. Il dit, il faut être juste, il ne faut pas dire juste le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être juste, même avec les kuffars. Donc, il est juste, même envers la France, envers l'Iran. Un pays où les gens adorent les tombes, ils vénèrent les morts, et ils insultent les sahaba et tout. C'est pas grave, et c'est le meilleur pays, ils ont la démocratie, ils ont ci, ils ont ça. L'Arabie Saoudite, aucune hasanat. Ils ont aucune hasanat. L'Arabie Saoudite n'a aucune hasanat pour eux. Juste des péchés, juste du mal. Ben oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Et dans les pays de Kufr, il y a les pays musulmans. Et les pays musulmans, c'est les pays de Kufr pour eux. Oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire. Comment ces gens-là jugent? C'est quoi leur balance? C'est quoi leur critère de jugement? Donc, le cheikh, il explique maintenant un point qui est très important. Il dit, si tu veux, et si quelqu'un dit, par exemple, le cheikh dit, moi je vous dis, en cette occasion je vous dis, si une personne veut écrire dans la biographie des gens, il écrit les biographies des gens, ou bien il écrit dans l'histoire, c'est un historien, walaykoum salam rahmatullah, tu peux tout écrire, le bien et le mal, tu peux mentionner tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal dans les questions d'histoire, dans les questions de la biographie des gens. Mais lorsque tu veux critiquer une personne pour avertir de sa bid'a ou de son égarement, de son mal ou de son fisc, alors là, il n'est obligatoire pour toi que de mentionner le point sur lequel tu veux le critiquer, et ça suffit. Donc il faut distinguer entre les deux. Si c'est dans le but d'écrire son historique, d'écrire sa biographie, d'expliquer c'était qui cette personne, ok, tu peux mentionner le bien, tu peux mentionner le mal, tu peux tout écrire, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu veux avertir les musulmans contre l'égarement de cette personne, ou les bid'as de cette personne, et les faussetés qu'il a enseignées, ou qu'il a propagées, dans ce cas-là, tu te limites uniquement au point sur lequel tu veux le critiquer, tu ne mentionnes pas le bien, tu comprends? Donc le cheikh, il l'explique, il dit, si tu veux écrire l'histoire d'un peuple, parmi les peuples, ou une nation parmi les nations, ou une personnalité parmi les personnalités. Tu peux mentionner tout ce qui a rapport avec cette personne, le bien et le mal. Tu veux parler d'un peuple parmi les peuples. Tu mentionnes le bien et le mal de ces peuples. Mais si c'est dans le but d'avertir les musulmans contre le shirk et contre le kufr, et là, tu ne vas pas parler d'un peuple et les glorifier, tu vas mentionner, tu vas dire ce peuple-là, c'est un peuple qui adore d'autres en dehors d'Allah, qui font le shirk, qui font le kufr, qui font tel péché, c'est comme ça. Mais si tu veux parler du point sur le plan historique, et tu veux mentionner l'historique de ce peuple, tu vas mentionner les bons côtés, tu vas mentionner les mauvais côtés. La même chose au sujet d'une personne. Même le shaytan. Même tu vas parler d'un juif, tu vas parler d'un musulman, tu vas parler d'un chrétien, tu vas parler même du shaitan, le shaitan. Même à propos du shaitan, tu peux trouver quand même des choses de bien à dire. Il y en a qui disent que le shaitan avant c'était un ange qui a été transformé en shaitan. Bon, ils disent ça, c'est ce que certains disent. Mais la réalité, c'est que c'est un djinn. Mais il était parmi les anges, il était quelqu'un de haut placé. Il était proche de Dieu. Et puis, quand il a refusé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été maudit, et puis il a été une parmi les plus basses créatures. Quand tu veux expliquer aux gens l'histoire du shaitan, tu vas mentionner tout. Mais si tu veux expliquer le danger et l'égarement de suivre le shaitan, est-ce que tu vas commencer à mentionner des choses de bien à son sujet? Non. pas uniquement mentionné les choses qui vont mettre en garde les gens contre cette personne. Hein? Et bien c'est la même chose au sujet des gens bid'a et des choses comme ça. Hein? Que ce soit n'importe qui parmi les kuffars et parmi les mushrikin. Vous regardez dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des kuffars et des mushrikin, il mentionne le mal qu'ils ont fait et leur kuffre et leur shirk et leur égarement seulement. Parce que le but, c'est de te faire voir qu'ils étaient des kuffars et des mushrikins, qu'ils ont désobéi à Allah, et regardez quelle a été leur conclusion. Ils ont été punis de telle façon, ils ont eu tel châtiment, et ils vont finir en enfer. Donc, ne faites pas comme eux. Mais si tu commences à mais si Allah subhanahu wa ta'ala avait commencé à mentionner toutes les bonnes choses que ces mushrikins là ont fait, et toutes les bonnes paroles qu'ils ont dit, ou toutes les choses qu'ils ont fait de bien dans leur vie, mais là, il n'y aurait plus de sens, il n'y aurait plus de leçon à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous prévenir du shirk et du mal. Non, même pour les musulmans, si tu vois par exemple un musulman, par exemple, parmi des gens qui ont amené des erreurs ou des bédards ou des égarements, hein, c'est sûr qu'il y a parmi ces personnes-là, qui étaient des gens très bons, qui ont fait du bien, qui ont écrit des grands livres, des ouvrages, qui ont expliqué beaucoup de choses. Mais, étant donné qu'ils ont amené, des bédards, qui ont amené des choses mauvaises, qui peuvent égarer les musulmans et les amener dans l'égarement, eh bien, c'était nécessaire pour les musulmans, les ulamas, de dire, cette personne-là, il est mauvais, ou telle chose. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas lire, il ne faut pas prendre ces choses. Et ça, c'est arrivé à l'époque des salafs et à travers l'histoire de l'islam. Donc, le cheikh, il dit que même Pharaon, hein, lorsque tu veux parler sur le plan historique, tu peux mentionner le bien et le mal, tu veux expliquer la biographie d'une personne, tu vas mentionner le bien et le mal. Il dit même, on raconte que, il dit, quand j'étais petit même, j'ai lu que Pharaon, même lui, il avait des choses de bien qu'il a fait. Hein, il dit que Haroun ou un autre de ses députés ou de ses ministres, il se promenait dans l'Égypte pour ramasser les dîmes et les taxes. Il a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il est allé avec cet argent-là devant Pharaon. Pharaon lui a dit, d'où est-ce que tu sors avec cet argent? Il a dit, c'est là les taxes que j'ai ramassées. Et, soi-disant, Pharaon lui aurait dit, c'est pas permis pour quelqu'un de prendre l'argent de ses esclaves. Et donc, il lui a ordonné de remettre aux gens leur bien ou leur argent. Donc, ça, ce serait une bonne action que Pharaon aurait fait. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné. Peut-être qu'il a fait, mais le but, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mentionne pas ça dans le Coran. Parce que le but dans ce que Allah mentionne à propos de Pharaon dans le Coran, c'est pour avertir les gens du coffre et du shirk et de l'égarement de Pharaon, pour pas que les gens le suivent et tombent dans la même chose que lui. Mais s'il commence à mentionner soi-disant des bonnes choses qu'il aurait fait, c'est sûr que les gens vont pas prendre saisir la sagesse et le but qu'il y avait dans l'histoire de Pharaon. Hein. Et comme Abu Lahab ou Abu Jahl ou d'autres parmi les kuffars et les mushrikin de Quraysh, c'est sûr qu'il y en a parmi eux qui avaient des qualités. Ça se peut pas qu'il y avait juste des défauts. Mais Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pas leur qualité, ni leur défaut, parce que ça dépend du but. Mais si c'est pour écrire sa biographie, tu mentionnes tout, le bon et le mauvais. Mais quand c'est dans le but d'avertir les gens et de les prévenir de l'égarement, là tu vas mentionner uniquement le mal. Et ça c'est qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui, parfois parmi les groupes, parmi les hizbiyin et parmi les mubtadi'a, ils refusent d'accepter la critique et qu'on critique les gens de cette façon parce qu'ils veulent défendre les gens de Bida, et ils veulent pas faire la distinction entre une biographie qu'on fait d'une personne et une critique qu'on fait d'une personne dans le but d'avertir les musulmans et de leur donner la nasiha. Donc quand par exemple on va critiquer les gens dans le but d'avertir les gens contre un livre ou contre un individu ou un groupe et on va parler de leur Bida, de leur égarement, on va uniquement mentionner la critique ou le problème ou l'égarement qui est présent dans ce groupe-là, dans le but d'avertir ces gens-là contre le mal qui est présent dans ce groupe. Et on va pas mentionner les qualités ou les biens de ce groupe-là, ou de cet individu-là, ou de ce livre-là. الشيخ يقول لكن هؤلاء لجهلهم وغبائهم وأهوائهم الجامحة صاروا يتحمون أنك لا تذكر شخصا ولا كتابا إلا تذكر المحاسن والمساوي إلا فأنت ظالم خائن. أين هذا؟ بهذا الأسلوب نكذب السلف ونجرح في السلف ونسقط عدالتهم من أولهم إلى آخرهم بهذا, وبهذا يسقط الإسلام تماما. فنأتي إلى أحمد وإلى البخاري وإلى الشافعي وإلى ابن معين وإلى يحيى ابن سعيد القطان وإلى غيرهم من أئمة الجرح والتعديل كالدارقطني وابن حبان وغيرهم, فنسقطهم كلهم من أجل هذا المنهج. ونأتي إلى أئمة العقائد الذين طعنوا في الجهمية وأئمتهم, وطعنوا في المعتزلة وأئمتهم, وطعنوا في الخوارج وأئمتهم, وطعنوا فيهم أفرادا وجماعات, وطعنوا في معتقداتهم. ونأتي إلى أئمة السنة كلهم ونسمح بهم ونمسح بهم التراب ونسقطهم تماما ليبقى لنا أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. فهذا مذهب خطير فاجر والعياذ بالله. مقترحوه ما أرادوا بذلك نفع الإسلام والمسلمين, إنما أرادوا حماية أهل البدع. هذا مذهب في غاية الخطورة على الإسلام وعلى أئمة الإسلام, جر كل ذلك من المحاماة على أهل البدع. Le cheikh il dit donc, à cause de leur ignorance et de leur stupidité et de leur passion qu'ils suivent d'une façon obstinée, hein, ils ont continué à essayer de dire qu'on doit mentionner à propos d'un individu ou d'un livre ce qu'il y a de bien et de mal. Et que si tu ne mentionnes pas le bien et le mal, alors tu es une personne injuste et t'es un traître. D'où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ça, c'est-à-dire, ils disent, si tu ne mentionnes pas le bien et le mal d'un individu ou d'un livre ou d'un groupe, alors ils disent que tu es un traître, que tu n'es pas juste, que tu es injuste. Et donc le chef, il dit que si tu dis ça, alors tu nies, ou tu renies, ou tu dénies la voix des salafs, hein, et tu critiques les salafs, et tu fais tomber l'honnêteté des salafs, parce que ils ont tous suivi ce manhaj, c'est-à-dire ils ont tous critiqué les mubtadi'a et ils ont tous critiqué leur aqida, que ce soit des individus ou des groupes, ou des livres aussi. Donc, si tu dis qu'il faut suivre ce manhaj-là sinon tu n'es pas correct, alors ça veut dire que tu dis à propos des salafs qu'ils ne sont tous pas corrects, parce qu'ils n'ont pas suivi leur manhaj à eux, le manhaj des gens de bid'a qui veulent défendre les mubtadi'a. Donc, si tu regardes, que ce soit par exemple parmi les imams de l'islam, l'imam Ahmad, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ou bien d'autres parmi les imams du Jarh al-Ta'dil, ou l'imam al-Darqutni, Ibn Hibban, on les fait tous tomber à cause de ce manhaj qu'ils ont inventé, qu'ils appellent al-Muwazanat, hein. Donc il dit, on va même voir les imams, les ulama, les imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah qui ont critiqué les Jahmiyyah et les imams des Jahmiyyah, et qui ont critiqué les Mu'tazila et les imams des Mu'tazila, et qui ont critiqué les Khawarij et les imams des Khawarij, et qui ont réfuté les groupes et les individus de ces sectes, hein, et qui les ont critiqués dans leurs croyances également. Et donc on prend tous ces imams-là et on essuie la poussière avec eux, puis on les fait tomber pour que les gens de Bédra puissent rester, hein, et les gens de l'égarement et de la déviation. Il dit ça, c'est un madhab ou un manhaj qui est très dangereux. Et ils n'ont pas amené du bien aux musulmans et à l'islam en suivant cette voie-là. Ils veulent uniquement protéger les gens de Bédra, hein, et c'est ça leur but et leur intention à la fin, c'est de protéger les gens de Bédra. Ok, parce que quand on critique un de leurs cheikh ou un de leurs livres qui est dans une bid'a ou qui défend une bid'a, eux ils disent non, il ne faut pas parler du mal seulement, il faut mentionner le bien qu'il a fait pour défendre les gens de bid'a. C'est comme ils se sont fait les avocats des gens de bid'a. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ok. Le cheikh dit فأنا آتي لإحياء علوم الدين للغزالي وأقول فيه وحدة الوجود وفيه أحاديث موضوعة وفيه كذا وكذا ويكفيني، أنا بذلك حذرت الناس منه ولا يلزمني أن أعدد محاسنه ومساوئه، لا يلزمني أبدا بإجماع المسلمين، فهؤلاء يخالفون الإجماع وبمذهبهم هذا يكون الإسلام فيه عرضة للسقوط، لأن أئمة الإسلام صاروا مطعونين مجروحين في ظلمات هذا المنهج الباطل الذي ما أريد به وجه الله، ولا أريد به النصح للمسلمين، وإنما أريد به المحاماة عن أهل البدع وعن كتبهم التي انطوت على الضلالات والخرافات والانحرافات عن منهج الحق. Donc le cheikh, il dit, si tu regardes le livre « Ihya ulumuddin » de l'imam al-Ghazali, tu vois que dans ce livre-là, il défend les idées des soufis, comme par exemple l'idée de « Wahdatul Wujud ». On a expliqué ça plusieurs fois. « Wahdatul Wujud » c'est quoi? Ça veut dire le créateur et la créature ne sont qu'une seule et même réalité. C'est-à-dire tu ne dois pas distinguer entre Allah et la création. Allah c'est la créature et la créature c'est Allah. الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. Donc ça c'est وحدة الوجود. Que celui qui ne voit pas dans tout ce qui existe une seule unité, une seule existence, pour eux il est mushrik. Et donc pour eux être un vrai mouahid, pour ces gens-là parmi ces soufis, eh bien, pour être un vrai mouahid il faut que tu dis que tout est un. Et donc pour eux, ceux qui adoraient les idoles à Mecca, comme j'avais dit l'autre fois, pour eux, ceux qui adoraient les idoles à Mecca, pourquoi selon eux ils étaient des mouchriquins? C'est parce qu'ils voyaient une distinction entre la créature et le créateur. Mais selon eux, s'ils les adoraient en croyant qu'ils sont Allah, il n'y avait pas de problème à le faire dans ce cas-là. Donc ça c'est leur aqidah qui est complètement opposée à la aqidah de l'islam. Et ils justifient le kufr et le shirk en se basant sur ces idées-là et ces croyances-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ont pris ça de qui? Ils ont pris ça de la théorie des hindous, des bouddhistes et des grecs de l'antiquité, qui croient au nirvana, puis à tous ces trucs-là de ces croyances qui sont contraires à l'islam, et ils veulent se baser là-dessus pour établir, prétendre que ça fait partie de l'islam. Donc dans ce livre-là, Ihya Ulumuddin, tu trouves cette croyance-là. Et il l'exprime très, très clairement dans ce livre-là. Aussi, il y a des hadiths qui sont fabriqués, qui ne sont même pas authentiques, qui sont des mensonges, clairement des mensonges. Et il y a beaucoup d'autres erreurs. Il dit, c'est suffisant, si je mentionne ça, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de, comme certains vont raconter, non, il ne faut pas que tu dises juste le mal, il faut que tu mentionnes aussi qu'il y a du bien dans le livre. Non, il dit, ce n'est pas nécessaire. Selon l'ijma, le consensus des musulmans, si j'ai mentionné uniquement ça, c'est suffisant. Je ne suis pas obligé de mentionner le bien qu'il y a dans ce livre-là du tout. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, donc ces gens-là, parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, ils contredisent l'ijma' des ulama. Et à cause de leur manhaj et de cette voie-là qu'ils ont inventée dans le Mouazanat, ils amènent l'islam, ou ils essaient même de faire tomber l'islam, et de faire tomber les imams de l'islam, et d'accuser les imams de l'islam d'être injustes, à cause de leur manhaj qu'ils ont inventé. Et par ce manhaj, c'est clair qu'ils n'ont pas voulu atteindre le visage d'Allah et d'être sincères envers les musulmans. Ils ont uniquement voulu défendre les gens de Bid'a et défendre leurs livres, pour qu'on ferme les yeux devant tous les égarements et les faussetés et les innovations et les superstitions qui sont dans leurs livres, qui sont loin de la vérité. Donc le cheikh dit, Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, puis on continuera ça la suite la semaine prochaine, inchallah. Donc là, c'est très important à comprendre bien ça, toutes ces affaires-là, c'est très important pour, en particulier pour l'époque actuelle, parce qu'on vit dans une époque où on a tellement mélangé le vrai et le faux, que beaucoup de gens sont mélangés dans la religion réelle, à cause de l'ignorance que ces gens-là ont propagée. Et ils refusent que la vérité soit clarifiée, alors que c'est obligatoire de clarifier la vérité pour les musulmans, pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient capables de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Sinon, c'est la confusion qui s'installe, et après, les gens partent dans l'égarement, donc. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.